au-delà des frontières qui me tirent en arrière. Mais ça ne fait rien. J'ai traversé le temps, remonté à la source, sans arrêter ma course. C'est au fond le mon sang. Abandonner la vie que je m'étais choisie. J'ai cherché dans la fuite à toucher mes limites. Et même si j'abandonne, je garderai les voyages, les sensations qu'il me donne et tous ces paysages. Je suis un voyageur qui a vaincu sa peur, quelle que soit la douleur. Je suis un voyageur. Je suis un voyageur.